الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فطاعة الله رب العالمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فيه إصلاح للقلوب والأبدان والأرواح وسعادة الأنام فالاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم سرعة المبادرة بالامتثال هذا الذي يحييكم أي يصلحكم هذا الذي يحييكم هذا قال قتادة ورحمه الله تعالى أي القرآن أي القرآن يقول تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالتمسك بكتاب رب العالمين واتباع أثر سيد العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا سعادة العباد في الدنيا والآخرة فلنحيينه حياة طيبة ففي الدنيا يسعد ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وفي الآخرة يسعد ولنا في أصحاب محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الاستجابة لله وللرسول فرضي الله عن الصحابة أجمعين لما أنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنت أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر فقالوا وما ذاك قال حرمت الخمر قالوا أغرق هذه القلال يا أنس هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم فتركوا الخمر من الساعة لا كما يفعل المخالفون إذا قيل لهم الدخان حرام يقول بعد وربما تأخر سنوات طوال قبل أن يستجيب لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم فسبحان الله الصحابة ما ترددوا وما تأخروا خلافا لكثير من المخالفين العصاة وقصة أخرى في الاستجابة لله وللرسول حصلت في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم كما تعلمون كانوا يستقبلون بيت المقدس في الصلاة وفي السنة الثانية من الهجرة النبوية أنزل الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الآية. فتوجهوا إلى الكعبة، فتوجهوا إلى البيت الحرام. فماذا كان موقف المنافقين وماذا كان موقف أهل الكتاب؟ أما المنافقون فرفضوا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأظهروا كفرهم الذي كان يبطنون. قالوا: ما بال محمد يحولنا مرة إلى هاهنا ومرة إلى هاهنا؟ وقال آخرون: ترك قبلة الأنبياء فعما قريب سيترك دينهم. فماذا كان موقف الصحابة رضي الله عنهم؟ فماذا كان موقف الصحابة رضي الله عنهم؟ كانت طائفة يصلون في مسجد قباء ولم يبلغهم الخبر بعد، فجاءهم رسول وهم يصلون فأخبرهم أن الله عز وجل أنزل قرآنا وأمرهم بأن يستقبلوا المسجد الحرام، فتحولوا من ساعتهم أثناء صلاتهم، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. وهكذا لما حاربت قريش الصحابة رضي الله عنهم وفرج الله عز وجل عنهم وأعزهم وأذن لهم بالهجرة، ما ترددوا، فارقوا وطنهم وفارقوا أهلهم وفارقوا بيوتهم مع أنهم بنوها بأيديهم وبأموالهم فأنفقوا النفس والنفيس، كل ذلك طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى nous dit dans son noble livre, selon la traduction des sens de ce verset: ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à la vie, à la vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre la personne et son cœur, et que vers lui sera votre retour. Ainsi obéir à Allah et son messager, répondre rapidement et avec précipitation à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala avec soumission, à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec soumission. Dans cela il y a la vie des cœurs, il y a la vie de l'âme, il y a la vie du corps, et il y a la réussite pour l'ensemble des gens. Le fait de répondre à Allah tabaraka wa ta'ala, cela amène la vraie vie, non pas la vie bestiale et animale qui consiste à seulement boire, manger, se reproduire, mais à la vraie vie, à l'épanouissement du cœur, au bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Au bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Répondez à l'appel d'Allah. Qatada rahimahullah ta'ala nous dit, c'est le fait de suivre le Coran, ce qui nous donne la vie, il dit, c'est-à-dire le Coran. C'est-à-dire le Coran, il y a la belle vie, il y a le bonheur avec cela. En effet, Allah nous dit dans Sourate An-Nahl, quiconque fait de bonnes œuvres, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. C'est-à-dire que dans ce bas monde, il sera heureux, et nous le rétribuerons en fonction des meilleures œuvres qu'il faisait. Et ça, c'est dans l'au-delà, la grande récompense. Ainsi, se concrétisera sur le croyant, le bonheur, dans ce bas monde et dans l'au-delà, s'il répond à l'appel d'Allah Azza wa Jal et du messager. Et celui qui étudie, qui lit et écoute les biographies des compagnons, radiallahu anhum, verra les meilleurs des exemples quant à l'observation des ordres d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et quant à la réponse aux ordres d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah a révélé le verset de l'interdiction de l'alcool, de la consommation du vin et de l'alcool, ô vous qui avez cru, puis Allah Azza wa Jal nous interdit le vin, nous interdit les jeux de hasard. Les jeux de hasard. Plus loin, il nous dit, tout cela fait partie de l'œuvre du diable. Éloignez donc vous-en afin d'obtenir la réussite. Et sachez que le diable sert, et sachez que le diable veut causer entre vous l'inimitié et la divergence avec l'alcool et les jeux de hasard, et obstruer de vous le rappel d'Allah, la prière. Allez-vous donc cesser? Anas ibn Malik nous dit, j'étais auprès d'Abu Talha et de un tel, et je leur servais de l'alcool avant l'interdiction. C'est alors qu'une personne nous est venue et a dit, n'avez-vous pas entendu la nouvelle? Quelle est donc cette nouvelle? Et il leur dit, Tala, Allah a interdit l'alcool. Allah a interdit l'alcool. Alors Abu Talha radiallahu anhu a dit à Anas, lève-toi ô Anas et déverse tout cela. Subhanallah. Dans la seconde même, lorsqu'il a su qu'Allah Azza wa Jal lui avait interdit cela, il n'a même pas fini le verre qui était dans sa main. Ils ont renversé cela, et ils ont renversé les barils et les bouteilles d'alcool et de vin. Où sont ceux qui aujourd'hui consomment de l'alcool parmi les musulmans? Et lorsque tu leur dis Allah interdit cela dans le Coran, ils te disent je vais délaisser petit à petit. Où sont ceux qui dans leur commerce et leurs épiceries vendent de l'alcool sans se cacher, iyadan billah? La pudeur les a quittés à un point tel qu'ils exposent des bouteilles d'alcool et ils vendent cela aux musulmans et aux enfants des musulmans et aux non-musulmans. Ainsi se réalise ce qu'Allah a interdit dans ce verset. Les gens consomment de l'alcool par leur cause. Ils deviennent ivres et font le désordre sur la terre. Ils font le désordre sur la terre. Où sont ces gens devant le comportement des compagnons? Ils n'ont même pas fini leur verre. Ils ont versé leur verre. Et ils ont cassé l'ensemble des bouteilles d'alcool. Ils les ont vidées. Et cet épicier répond, oui, mais c'est ce qui me rapporte de l'argent. Subhanallah, tu délaisses l'ordre de ton Créateur, de ton Seigneur. Tu étais dans le ventre de ta mère, ta subsistance te parvenait. Et au jour d'aujourd'hui, tu ne veux pas délaisser l'alcool par peur de mourir de faim. Où est la réponse à l'appel d'Allah? Où est la réponse à l'appel du messager d'Allah? Pareillement pour ceux qui fument la cigarette et ceux qui fument la chicha et autre chose. Ceci est haram. Ceci est haram. Où êtes-vous face à la réponse faite par les compagnons? Lui dit, ça fait longtemps que je fume. Et l'autre dit, j'arrêterai plus tard. Et l'autre, quand je me marierai ou aurai un enfant, subhanallah. Où est la réponse à l'appel d'Allah? Où est ta réponse à l'appel du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Tu as entendu l'ordre d'Allah, tu dois cesser immédiatement. Tu dilapides ton argent. Tu te développes un cancer à toi et à tes proches. Certains ne se cachent même plus de leurs propres parents, femmes et enfants. Il commence en se cachant du regard des gens. Puis il ne se cache même plus devant ses propres parents. A-t-il oublié qu'Allah le voit? A-t-il oublié qu'Allah le surveille et vers lui se fera son retour? Et qu'il sera questionné sur chaque centime qu'il a dépensé dans le halal? Que dire alors dans le haram, dans la cigarette? Où sommes-nous dans la réponse d'Allah face à la prière? Face à la prière en groupe et à la zakat? Où sommes-nous face à la réponse d'Allah lorsqu'il nous appelle au pèlerinage? Où sommes-nous dans l'ensemble des ordres d'Allah Azza wa Jal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Une autre histoire qui nous montre les réponses des compagnons devant l'ordre d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, au début de l'islam, il lui a été ordonné de se diriger vers Baytul Maqdis pour accomplir la prière, vers le Masjid al-Aqsa. Mais il espérait qu'on lui change cette qibla pour retrouver la direction de son père Ibrahim alayhi salam. Allah Azza wa Jal a répondu à cela en lui disant qu'il voit que son regard se dirige vers le ciel. Nous allons t'accorder une direction de prière qui amènera ta satisfaction. Dirige donc ton être vers la mosquée sacrée et où que vous soyez, dirigez-vous vers elle. Ainsi on a changé la qibla et on l'a mis en direction de l'Masjid al-Haram, de la Mecque, de la Kaaba. Quel fut le comportement des hypocrites et des autres? Les hypocrites ont dit, comment se fait-il que Mohammed tantôt se dirige vers là et tantôt se dirige vers là? Voici le comportement des hypocrites. Ils ne répondent pas à l'appel d'Allah. Ils ne répondent pas à l'appel du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à d'autres, ils ont dit, il a délaissé la qibla des prophètes, d'ici peu il délaissera leur religion. Maintenant, quel a été le comportement des compagnons? Quelle a été leur réponse? Ils se sont dirigés immédiatement en direction de la qibla. Immédiatement, ils n'ont pas discuté. Ils se sont soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et un groupe de musulmans priait à Masjid Quba. À Masjid Quba, c'est alors qu'un homme leur est venu. Ils étaient en pleine prière. Et il leur a dit, j'ai accompli la prière avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez qu'il lui a été ordonné de se diriger vers le Masjid al-Haram. Ils étaient en pleine prière et ils se sont tournés. En pleine prière, ils se sont tournés en direction de la Mecque. Voici le comportement des compagnons. Voici le comportement des compagnons, radiyallahu anhum. Et lorsqu'ils ont subi de lourdes nuisances et qu'on les a combattus dans leur religion, et qu'on les a torturés parce qu'ils disaient la ilaha illallah et ne voulaient pas adorer autre qu'Allah, Allah Azza wa Jal leur a permis al-hijra et leur a dit de quitter la Mecque et d'aller à Medina. Et ils n'ont pas hésité. Ils ont pris ce qu'ils ont pu prendre et se sont dirigés vers al-Medina. Ils ont laissé la terre de leurs ancêtres. Ils ont laissé leurs richesses, subhanallah. Ils ont même laissé leurs trésors et leurs maisons qu'ils avaient construits avec leurs mains et dans lesquelles ils avaient dépensé leurs richesses à la recherche de l'agrément d'Allah en réponse à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Où sommes-nous face au comportement des compagnons quant à la réponse à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager? Et cela n'est pas propre aux hommes, mais même les femmes, radiyallahu anhum ajma'in. Ummu Salama radiyallahu anha a pris une monture. Elle était seule avec son enfant et elle a quitté la Mecque pour aller à Medina. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal révéla le verset du hijab, les femmes n'ont pas hésité à l'heure même où le verset a été révélé. Elles ont pris de leurs rideaux, elles ont pris de leur voilage et elles se sont voilées immédiatement. Elles n'ont pas dit « oui mais les autres font ceci ou cela » ou « oui mais les autres diront de nous ceci ou cela » non. Elles ont répondu à l'appel d'Allah. Elles ont répondu à l'appel d'Allah dans sourate Al-Ahzab. Elles ont répondu à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate Al-Nur, dans les versets du hijab. Un autre exemple, rapporté par l'imam Muslim et en détail par l'imam Ahmed. L'histoire du compagnon d'Ulaybib, radiyallahu anhu. Abu Barzah Al-Aslami nous dit que lorsque les Ansar voulaient marier une fille, ils la proposaient en premier lieu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour le prophète alayhi salatu wa sallam est venu dans une famille des Ansar et leur a dit « Mariez-nous votre fille ». Ils se sont réjouis, ils ont dit « Toi, ô messager d'Allah, toi, ô messager d'Allah ». Ils se sont réjouis. Il a dit « Non, je ne la veux pas pour moi, mais je la veux pour Julaybib ». Alors son père a dit « Je vais en parler avec sa mère, laisse-moi un temps ». Puis il est venu trouver son épouse et il lui a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demande notre fille ». Elle a dit « Bonne nouvelle, le messager d'Allah pour ma fille, bonne nouvelle, le messager d'Allah pour ma fille ». Il lui a dit « Non, et ne la demande pas pour lui, mais pour Julaybib ». Elle a dit « Julaybib ? Non, jamais ». Et Julaybib n'était pas connu ni pour la lignée pour avoir une grande famille, pour la richesse, pour la beauté. Non, il n'était pas connu pour tout cela. Il n'était pas connu pour tout cela. Alors elle a dit par Allah, jamais je ne marierai ma fille à Julaybi. Non, je ne marierai pas ma fille à Julaybi. Alors son époux est parti voir, a voulu partir voir le prophète alayhi salatu wassalam, a voulu partir voir le prophète alayhi salatu wassalam pour l'informer de cela. Mais à ce moment-là, sa fille est arrivée et leur a dit, qui est-ce qui me demande? Ils lui ont dit, le messager d'Allah te demande pour Julaybi. Et ta mère n'est pas d'accord. Elle lui a dit, oh chère mère, elle lui a dit, oh chère mère, أتردون على رسول الله أمره؟ Allez-vous répondre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et rejeter sa demande? Wallahi, le messager d'Allah ne m'abandonnera jamais. Il veut que le bien pour moi. S'il a dit cela, c'est que le bien est dans cela. Alors son père lui a dit, fais comme tu veux. Elle a accepté d'avoir pour époux Julaybi. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam avait demandé cela. Et un jour, Julaybi radiallahu anhu a participé à une guerre en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Et à la fin de la guerre, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, est-ce qu'il manque un tel? Est-ce qu'un tel est décédé? Oui, messager d'Allah. Non, messager d'Allah. Qu'en est-il d'un tel? Ceci au messager d'Allah, ceci au messager d'Allah. Avons-nous mentionné tout le monde? Il ne manque personne? Non, au messager d'Allah. Il ne manque personne, non, au messager d'Allah. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit, si à vous, il ne vous manque personne, à moi, il me manque Julaybi. Subhanallah, il n'avait pas une grande place dans la communauté, mais il avait une place chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avait une place chez Allah, le maître des cieux et de la terre. Cherchez-moi Julaybi. Alors ils l'ont cherché, et ils l'ont trouvé, et il y avait autour de lui 7 membres de l'armée ennemie. 7 membres de l'armée ennemie, ils ont dû être à 7 pour arriver à leur fin concernant Julaybi radiallahu anhu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est occupé personnellement de Julaybi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est occupé personnellement de Julaybi et il a dit cette grande phrase. Et il a dit cette grande phrase, هذا مني وأنا منه, subhanallah. Il fait partie de moi et je fais partie de lui. Voici le comportement des femmes chez Sahaba. Voici le comportement des Sahaba. Quant à ceux qui ne répondent pas à l'appel d'Allah, écoutez les conséquences. Salamat ibn al-Aqwa, radiallahu anhu, nous dit, un homme mangeait en compagnie du prophète, alayhi salatu wassalam, de la main gauche. Il lui a dit, kul bi yaminik, mange avec ta main droite. Qala la astati'. Il lui a dit, je n'en ai pas la capacité. Qala lahu la astata't. Tu ne pourras plus jamais. Rien ne l'a empêché de faire cela, si ce n'est l'orgueil. Il n'a plus pu lever sa main. Sa main était paralysée. Parce qu'il n'a pas répondu à l'appel d'Allah. Il n'a pas répondu à l'appel du messager d'Allah. Voici les conséquences gravissimes. Allah nous dit dans le Coran, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Celui qui fait scission d'avec la voix du messager après que les preuves évidentes lui aient été mentionnées et suit un autre chemin que le chemin des croyants, on l'abandonnera à ce qu'il a choisi. Sa destination sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Si tu réponds à l'appel d'Allah, tu obtiendras le paradis. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى. Ceux qui répondent à l'appel d'Allah, de leur Seigneur, auront الْحُسْنَى, c'est-à-dire le paradis. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Si tu réponds à l'appel d'Allah, tu as le paradis. Quant aux autres, Allah nous dit, s'ils avaient le jour dernier tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, il leur est donné en rançon, mais ils iront en enfer. Mais ils iront en enfer. Chers frères, répondez à l'appel d'Allah et de son messager. Chères mères, répondez à l'appel d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'Allah nous donne la vie. Hada wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En ce grand jour de fête, le jour du Eid, Eid al-Adha, c'est un jour de fête. Un jour de joie pour nous les musulmans. On demande à Allah Azza wa Jal d'étendre sa miséricorde sur l'ensemble des musulmans sur ce bas monde et de remplir leur cœur de joie en ce jour de fête. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله, أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين. اللهم ارحم موتى وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. Nous sommes le dixième jour de Dhul Hijjah. Nous sommes le dixième jour de Dhul Hijjah, le dixième des meilleurs jours de l'année, durant lesquels l'adoration est le plus aimée chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et une des grandes adorations, c'est Sadaqah, et le fait d'élever des mosquées pour Allah Subhanah, donc dépenser de ce qu'Allah Azza wa Jal vous a facilité à la recherche de son agrément. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Tout comme vous avez patienté et enduré dans cette chaleur, on demande à Allah Azza wa Jal de nous réunir au bassin du prophète يوم القيامة صلى الله عليه وسلم et de nous permettre de boire de son eau. والحمد لله.